en direct de Paris. La musique. Mokili ya mawate o baninga boyoka Lisaponga boya bani lisapo baninga Bazala kase banda aisa na zoe Balinga na kana bolingo ya folio Bolingo na bango eko maki impossible Bapara zoe babusa kano lesoro Zoe zwa kimokumba aisa na pario Babali saka ena mobali ya mosolo Aïssa Salaninio, Nyanso Selisuma, Yadamuna Eva Baliaka de Mumara, Bébé na ma boko, Aïssa na mon cœur, Boutouna Moïse a commencé pour la lila. Aïssa e, Aïssa e, Aïssa Ozawisa, Aïssa e, Aïssa e, Aïssa Ozawisa, ah ah ah. Bien coiffé, bien sapé, n'a pas griffé à son mot. Oh, yeah. Aïssa, Aïssa, Aïssa, oh, oh. Aïssa, Aïssa, Aïssa, oh, oh, bonimo. Aïssa, Aïssa, Aïssa, oh, oh. Aïssa, Aïssa, Aïssa, oh, oh, Aïssa, Aïssa, Aïssa, oh, oh, bolimo, Aïssa, Aïssa, Aïssa, oh, oh, Aïssa, Aïssa, Aïssa, oh, oh, bolimo. Nalimbo ye baïssa, nazali se wayo, mosika na miso, bene na mote mananga yo, yo, yo, makambo. Aïssa, Aïssa, Aïssa, oh, oh.